Ouais, c'est beau. Hein. C'est ton genre de musique préférée, ouais. Henri. Les ah, Clash, ouais. Carrément. Non, j'aime bien les Clash, en vrai. Bah, même des trucs de Sandinista. De Sandinista, l'album sur lequel il y a ça. Ok, bah... Peut-être, du coup. Bon, franchement, je connais Combat Rock et London Calling, quoi. Je sais pas trop. Ah ouais, t'as déjà entendu le premier album, quand même. Bah, c'est une bonne question, du coup. Bah, The Clash, il n'y a pas de titre supplémentaire. Et puis, le deuxième, c'est Give Him Enough Rope. Ah oui, je connais pas du tout les débuts de The Clash, à mon avis. Qui avait été qualifié d'album de hard rock quand il est sorti en 78. Okay. Alors qu'en fait, c'était pas du tout du hard rock, mais bon, ceux qui avaient dit ça, c'était des cons genre Bruno Boom. Bon, bref, on discute, on raconte nos salades déjà, alors qu'on dit même pas que c'est Pyongyang City Rockers qui commence. C'est le 429e épisode ce soir, avec d'ici une petite vingtaine de minutes, on va essayer de faire un phoneur, enfin une interview téléphonique, n'est-ce pas, avec le groupe québécois Carringtons, qui vont débarquer en France et en Belgique d'ici quelques jours pour une tournée des Grands Ducs. Le plus près qu'ils passeront d'ici, c'est Marly, à côté de Valenciennes, à la flaque chez Oscar, là, vous savez. Ça c'est vers 20h20, et puis bah, pour l'instant, faut tout de suite que je vous balance quelque chose qui va passer ce soir au Centre Culturel Libertaire, le bien nommé, et celui dont on ne pourrait pas se passer. Ce qui va passer ce soir au CCL, c'est Bluten, un groupe berlinois, il me semble. Ouais, Leipzig, Fribourg. Ah non, voilà, exactement, enfin... L'allemand, en tout cas. Et puis, il y aura aussi Sorcières électriques, yes. Avec des gens de... Muddle et Naked Nurses. Voilà, Naked Nurses. Naked Nurses que nous recevrons dans 15 jours, enfin magnifique. Dans 14 jours, ici, pour faire la promo de leur nouvelle sortie. Puis peut-être, si on arrive à les décider, avec peut-être un truc en acoustique. Mais... Voilà. pour l'instant, ce soir, c'est donc Carringtons, et puis sinon, les news, les nouveautés, les annonces concerts, et puis toi, t'as des trucs spécifiques, bah, une petite annonce concert, et puis je finis un peu ma petite playlist Noise Punk de la semaine dernière. Noise Punk japonais, là Notamment. Bon, notamment. Il y aura deux choses françaises, tiens. Eh bien donc, si vous préférez sortir et puis aller voir les gens et vous frotter au monde réel plutôt que de rester à écouter votre radio ou votre ordinateur et Pyongyang City Rockers, on va pas vous en vouloir. Vous pouvez toujours aller au Centre Culturel Libertaire si c'est pas trop loin de chez vous. Il y a GZL Vénère qui organise Bluten Sorcière Électrique avec aussi un petit mix de Dark Cœur de Beurre. C'est maintenant tout de suite à partir de 20h30 au Sosele. Et puis on écoute tout de suite un titre de Bluten, Fritten. En effet, j'ai faim. Qui avait écrit que c'était du synthpunk, je sais plus où. Même il y a un con sur Shpunk qui l'a écrit comme ça, qui l'a vraiment répété, n'importe quoi. Qui a répété les bêtises des autres. Ouais, exactement. Ça arrive. Bon, bref, c'est ce soir, là, vous y allez, hein, au Centre Culturel Libertaire. Youpi! Yes, et on compte aussi vous y voir le samedi 11 avril au CCL, toujours. On fait une soirée en soutien aux communautés palestiniennes de Massafer Yatta. Vous m'excuserez toute erreur de prononciation. Il y aura trois groupes punk que vous connaissez déjà, Bingo Crépuscule, Gutter et Marteau. Enfin, punk, on se comprend, hein. Il y a du hardcore et de la power violence aussi. Un projet rap Zone. Et un deuxième plus trap cette fois qui s'appelle Sinclair en feat avec Pensive. Sinclair c'est sympa, c'est de la trap et tout, j'ai vu ça il y a 15 jours au CCL aussi pour la soirée Cash for Trans. Franchement ça va valoir le coup. Dès 18h vous aurez aussi une projection du documentaire They Break the Tree of Peace. Donc qui parle de la situation, c'est un documentaire assez récent donc il vous expliquera assez bien la situation pour les communautés touché en question en Palestine. Ouais, t'as des témoignages dedans, je l'ai regardé. Ok. Hein, et t'as des témoignages dedans, putain, les gens, mais ils s'en prennent plein la gueule pour n'importe quel prétexte. Le gars, le premier qui parle dans le truc, il a dû se faire amputer de la jambe, quoi. Ouais, ouais. C'est un vieux type, enfin, vieux type, non, il a le même âge que moi. Mais en fait, il s'est pris une balle dans la jambe, en fait, il n'a pas été soigné assez vite, et crac. Balle dans la jambe par des colons illégaux, quoi. Mais qui sont protégés par l'armée, même si l'armée fait semblant de dire non, attention. Ouais, oui, bref, mais j'imagine bien. Il y a des tas d'autres choses dans ce documentaire-là. Il faut le voir. Ouais, n'hésitez pas. D'ailleurs, en plus, vous aurez le droit à une petite version, puisqu'il est déjà disponible sur YouTube, mais il n'y a pas les sous-titres en français. Ça a été fait pour la projection. Qui de droit nous a donné un coup de main pour traduire tout ça. Et en plus, vous aurez le droit à une petite cantine. On fera des banh mi vegan, évidemment. Donc plein de sandwich. Venez avec toutes vos bonnes intentions. Et en attendant, on écoute Bingo Crépuscule. Voilà, le morceau Restez Vrai. Mon groupe préféré de Cold Oil local. Cold Oil de cours, en fait. On va faire le singe en comptant les secondes qui restent. C'est bien ces trucs, ces fade-out là. Bingo Crépuscule, on vient de les écouter. Vous pourrez les écouter et les voir demain à travers champ à Clark, ce superbe lieu, franchement. J'avais déjà vu le capiteau. Le chapiteau, pas le capiteau. Tout pareil. J'avais déjà vu le chapiteau. Là, on a vu dimanche soir le truc en dur là. Exactement, la brique. Punaise. Hey, c'est franchement, stylé. Ce lieu, c'est un royaume. Franchement, un royaume, le royaume des punks. Enfin, il n'y a pas que des punks d'ailleurs, mais enfin, demain, il y en aura pour voir non seulement donc Bingo que je viens de dire, mais aussi Gutter et surtout les Tomar Control. Attends, on vient. Péruvien. Péruvienne. Péruvienne, tu vois. Ouais. Ouais. Voilà, c'est tout. Il n'y a plus qu'à dire que c'est demain. C'est organisé par Louis Pleur. Comme d'hab, c'est une Louis Pleur Night numéro 17, 18. Ouais, depuis. J'en sais que chi. De toute façon, bah, vous allez regarder sur shpunk.org si vous n'êtes pas content. Et puis comme ça, vous saurez la vérité. Peut-être. voici donc Tomar Control avec un truc qui fleure bon les années 80. Corazon, pour dire qu'il faut ouvrir son cœur, s'ouvrir au monde, mais le bon monde, parce que le mauvais, non, par contre, il faut le. Tomar Control, Corazon. En français. On discute et ça y est, il est déjà 20h et presque 15 minutes. Dans 5 minutes, si vous ne quittez pas l'écoute, vous pourrez entendre, si tout va bien et si la technique ne nous trahit pas, cette interview téléphonique avec Carringtons. Pour l'instant, voici Henri. Yes, moi je continue ma petite épopée Pépite Noise Punk. Du coup, là, ce sera avec un split qui est d'ailleurs la seule sortie des deux groupes, PPSH, comme la mitrailleuse soviétique, et Brain Genocide. Bon, bah, ça, c'est assez plus simple à comprendre. Il y a un membre en commun entre les deux groupes. Musicalement, c'est d'ailleurs assez proche. Ça joue très vite. Il y a ce bon vieux Tupa à la batterie typique de Disorder. On parle encore d'eux. Et de pas mal de choses du hardcore anglais. Bon, c'est évidemment fait à la sauce japonaise. C'est rempli de pêche. Le morceau de PPSH qu'on s'écoutera, c'est que ça d'ailleurs. C'est juste des pêches. PPSH, pêche ? Ouais, bah, je pense. C'est juste des pêches. Et concernant Brain Genocide, comme je vous l'ai dit, les groupes se ressemblent beaucoup, donc ce que je peux dire pour l'un s'applique pour l'autre. On pourrait leur trouver un côté épique dans les riffs et le solo qui renvoie assez bien au hardcore japonais d'inspiration Burning Spirit, tout ça, tout ça. Encore le Burning Spirit. Bah ouais, même le chant, il me rappelle un petit côté gozu, pas sûr de comment ça se prononce, mais je me trompe peut-être en termes d'influence. Bref, je vous laisse avec les deux titres. Ce sera The Unleashed par Brain Genocide, suivi de Bang Bang par PPSH. We'll be right back. ben dis donc, hein, voilà, ça y est, je l'avais dit, il est 20h19 et on est toujours trahi par la technique à ce moment-là. Donc, vite, je vais vous présenter un petit truc hongrois, tiens, hongrois qu'on comprend et on comprend pas. C'est Liberal Youth, oui, ça va, arrêtez de rire, hein, c'est n'importe quoi ce que je raconte. J'ai compris, après coup. C'est un groupe de qui vient de Sombataille, tout près de la frontière autrichienne. C'est des vieux de la vieille, hein, ils existent déjà depuis une bonne quinzaine d'années. Ils ont sorti un EP qui s'appelle Aborou, ça veut dire le pouvoir, en 2025, c'est-à-dire qu'ils sont contre, c'est curieux. Et le titre que je vais vous passer maintenant, c'est Chokan Vagyung Ok Kevesen, ça veut dire nous sommes nombreux, ils sont si peu. Et à la suite, c'est et pourtant rien ne se passe. Quand même, c'est une très bonne question que nous nous posons nous aussi. Pourquoi ne se passe-t-il rien alors qu'on pourrait facilement pendre les curés avec les tripes des capitalistes? Non, je l'ai pas dit. Voici donc les Hongrois de Liberal Youth avec Chokan Vagyung Ok Kevesen. Pas tout de suite, d'abord et le monsieur il va parler pendant qu'on désolé. Essaye de régler les problèmes et puis que Carringtons, on est en contact avec, mais là c'est le machin qui veut pas transmettre du son. Alors magique. Voilà, vous écoutez Campus 106,6, c'est Pyongyang City Rockers numéro 429, avec normalement d'ici quelques minutes une interview de Carringtons, mais pour l'instant voici Henri qui va passer quelque chose, qui a commencé juste avant. Pour l'instant, ouais, vous avez déjà eu un petit avant-goût du Larsen de Chaos Destroy, qui eux prennent plus un pan gay en termes de musique. Je suppose même qu'il y a volonté d'être un worship band de Chaos Channel. Enfin, voilà, j'ai le sentiment que beaucoup des groupes qui choisissent ces accolations sonnent un petit peu comme que... Bref, je me perds, c'est fun quoi. En termes de compo, ça sonne vachement comme du The Wankees, le groupe anglais, avec la particularité de n'avoir aucune parole. Enfin, j'ai l'impression qu'il fait rien d'autre que de créer des syllabes au pif en même temps que la rythmique, mais que concrètement, il y a trop rien de dit. Vous verrez bien, c'est très goofy. C'est mon nouveau mot. Comme groupe, et ils ont été assez productifs pour une courte carrière. Il y a une quinzaine de sorties en 5 ans d'existence, de 2007 à 2012. Et on va s'intéresser au self-titled, donc qui s'appelle Chaos Destroy. C'est là-dessus qu'il y a le meilleur morceau du groupe, et j'ose le dire, l'un des meilleurs morceaux de Noise Punk tout court. C'est un pur tube. Voilà, c'est la fin des petites infos, quoi. C'est américain, c'est parce qu'il joue le plus vite, ça crée bien plus le côté Kyushu Noise Punk par le son distordu des grattes, mais il y a moins cette volonté d'avoir un côté chaotique, comme le pouvaient le faire les premiers groupes du genre. Bref, on s'écoute Too Many Crusties, parce que quand il y en a trop, il y en a trop. We'll be right back. mais bah voilà. Toujours des problèmes de communication avec le Québec. C'est loin, hein, c'est de l'autre côté de l'océan. Faut bien savoir aussi. Bientôt, vous pourrez les voir en Europe. Bon, en attendant de pouvoir établir la communication, je vais passer un premier titre de The Carringtons qu'on pourra voir entre autres, vendredi prochain à la FLAC à Marly dans le cadre du festival je sais plus quel festival où il y aura plein de groupes de pop punk et de punk à roulette. Voici donc Carringtons avec un titre sorti l'année dernière et puis depuis ils ont sorti deux autres EP. Carringtons, les voici avec Stories. J'adore cette atmosphère radio pirate où rien ne fonctionne. Technique. Et pourtant, on est quand même à l'antenne et on passe de la musique. Carringtons, normalement, dans quelques minutes, alors que là, tu vas nous passer quelque chose de long, au moins 2 minutes. De Snoise, ouais. Il y a moyen que ce soit un peu long. C'est un autre groupe qui a pu et sûrement influencer Chaos Destroy. C'est mon groupe de cœur de Snoise. Ils sont japonais, mais pas de Kyushu. Ils sont de Kanagawa. Voilà, c'est une autre partie. Mais alors, c'est où ? Kanagawa, bah du coup, Kyushu, c'est plus à l'ouest et Kanagawa, ce serait plus à l'est. C'est quoi ? C'est une île ? C'est une ville ? Ouais, c'est une des 3 îles. C'est la préfecture de Kanagawa et du coup, c'est plein de petites villes, villages. Tu t'y connais en Japon, bravo. Bah, j'essaie, ouais, parce qu'à chaque fois, je dis les noms de villes et puis si tu me demandes où c'est, j'ai l'air bête donc je me renseigne, quoi. Mais bref, vous attendez pas à quoi que ce soit de dénonciateur ou bien même porteur de quoi que ce soit. Je vous renvoie à l'insert de la compile qui dit tout simplement nos politiques, nos messages, love beer. Voilà, c'est les japonais. C'est actif à partir de 97, donc 10 ans après les débuts du noise punk japonais. Ça a donc bien eu le temps de faire plus brutiste, plus bête, plus goofy que leurs prédécesseurs. La guitare ici, elle sonne littéralement comme une décharge électrique, je sais pas, comme un taser, quoi. C'est vraiment un bruit blanc. On retrouve pas mal de morceaux assez lents dans leur discographie et c'est bien chaotique en termes de structure. C'est du pur complete Disorder style. Ils ont même repiqué la typo de Disorder pour leur logo. J'aime énormément ce groupe, j'ai pas su me décider sur un seul morceau, alors j'en ai choisi un bien KO, suivi de mon favori. Ça fait d'abord The Party Song de la démo LC Filthy Noise Attack, puis Hungry de l'EP Destroy Everything. C'est pour les fans de Hatebreed. Fuck off. Ah! Actuellement à l'écoute de Radio Campus 106,6, c'est Pyongyang City Rockers numéro 429, alors que Louisa parle, c'est la première fois qu'elle parle dans le micro, et c'est peut-être elle qui va nous donner la solution, alors que pour l'instant il y a Joey qui essaye, de Carrington qui essaye de nous contacter, et nous on essaye de le contacter, et on n'y arrive toujours pas, il nous reste une grosse demi-heure encore, donc peut-être on va quand même arriver à choper Schmeck. Pour l'instant, voici un groupe qui va passer ce samedi au Watermoulin à tourner en compagnie de Maraudeur et de Merci Bonsoir. Maraudeur, je sais plus d'où qu'ils viennent, et Merci Bonsoir, c'est des Rennais, me semble-t-il. Voici Shtepi, les Londoniens, apparemment qui font un tabac en ce moment, tout le monde se les arrache. Et ben là, ils vont passer au Watermoulin. Voici Shtepi avec Holy Smokes. Pourquoi jure-t-il, je ne sais pas. Faut se reporter sur leur Bandcamp où il y a les paroles de la musique. Voici donc Shtepi avec Holy Smokes. A lot of gear for my soul. Ha, ha, ha. Essaye toujours de résoudre nos problèmes. Vous savez ce que c'est Radio Campus. Bon, on a une petite radio qui vient de commencer à émettre il n'y a pas longtemps, hein, juste en 1969. C'est quoi? Ouais. Il y a la moitié de nos animateurs qui sont déjà morts. Ils sont déjà morts d'ailleurs en essayant d'établir la communication avec nos amis québécois des Carringtons. Bon, on va peut-être essayer d'y arriver, mais c'est un peu compliqué, là. Vous venez juste d'entendre un truc qui est passé la semaine dernière au High Voltage, Full Throttle Baby, c'était pour passer un petit peu de rock'n'roll, un changement d'air. Bah, je réjouis les veaux, comme on dit. Et je suis sûr que les gens qui ne connaissent pas les expressions vernaculaires en apprennent de bonnes en ce moment même. Le titre, c'était Moped Club, parce qu'on est venu à Mobilette. C'est à vous. C'est à moi. Et bah, moi, je dis qu'on va quand même un peu s'intéresser à ce qui a pu se faire en France pour le noise punk, en commençant avec Warning Warning. Ça vient de Bordeaux, c'était actif de 2009 à 2012, je dirais. Je prends ça plutôt en fonction des sorties, peut-être que je me trompe, que le truc a fait des lives 6 ans avant, mais j'ai jamais trop trouvé de flyer. C'était avec des membres de Gaz Mask Terror, mais aussi de Phosphore, Bombardement ou Meurtrière pour les groupes actuels. Quand ils ont décidé. C'est vers Bordeaux ça? Ouais, c'était de Bordeaux. Quand ils ont décidé de monter le projet, au-delà du fait d'être fidèles au son noise punk, ils ont aussi fait le choix de ne jamais utiliser de 10 bits. Je renvoie à leur interview dans Maximum Rock'n'Roll, que vous pouvez trouver sur le site internet de Warning Warning, ainsi que les premières sorties en téléchargement. Le site fonctionne toujours, j'étais dessus genre la semaine dernière. Niveau son, ça recherche le Larsen à la Confuse, et on est bien en 2010, on sent que les bands d'Untoten s'est passé dans leurs oreilles, et qu'ils ont bien retenu, c'est vraiment bien fait. La prod est parfaite, de la démo jusque LP, que vous pouvez d'ailleurs acheter pour 8 balles sur le site internet de la France Pu. Foncez, 8€ un vinyle. Dans la France à Macron, bref. Moi, je reste fidèle aux démos. Je vous passe le titre Kuroi Ame, sûrement encore une très mauvaise prononciation de ma part, littéralement plus noir. Il y a un film qui s'appelle pareil et qui traite du même sujet. Ça parle des Ibakusha. Ibakusha, ce sont les survivants du bombardement atomique de Hiroshima et Nagasaki. Voilà. Le nombre de chansons qui ont été faites sur cette thématique-là, les Ibakusha. Ah ouais. Ouais, ouais. Je, écoute, j'étais même pas au courant de ce terme avant de renseigner sur tout ça. C'est parce que dans les années 70, 80, 90 aussi, il y avait encore une espèce de terreur nucléaire qui agitait un petit peu tout le monde. C'est passé de mode à partir du milieu des années 90 et puis jusque récemment. Ouais. Et là, curieusement, ça reprend un petit peu du poil de la bête, les histoires d'avoir peur d'apocalypse nucléaire. Allez savoir pourquoi. Ouais. Bon, comme disait Confuse, No More Hiroshima. Et en attendant, on écoute Kuroi Ame de Warning Warning. C'était quoi, c'était Warning Warning, ouais. Yes. On se demandait s'il y avait des gens qu'on connaissait dedans. Bon, ah bon, on dira ça le prochain coup. Vas-y, tu peux ouvrir la porte si tu veux. Il y a des gens qui rentrent, qui sortent pendant qu'on est en train de parler dans le micro, c'est normal. Vous êtes bien sur Campus, c'est Pyongyang City Rockers qui a presque rendu l'âme en essayant de contacter les Carringtons. Je crois que là, on va jeter l'éponge. J'ai encore deux titres des Carringtons à passer, puis après, je vous ferai un petit peu l'article pour dire ce qu'ils font. On essaiera de les revoir une fois qu'ils auront fait leur tournée et qu'ils seront retournés, repartis là-bas, à Québec. Pour l'instant, qu'est-ce que je voulais passer? Bah, Spontarstad, la semaine dernière, j'ai passé un titre qui s'appelait Nathalie Lemel, et je me demandais un peu, j'avais pas pris le temps de me renseigner sur qui était Nathalie Lemel. Ça nous a été révélé par la chanteuse de Spontarstad quand ils sont, elle et ils sont passés au CCL la semaine dernière. C'était quand? C'était samedi? Non, dimanche. Dimanche. Non, samedi. Oui. Parce que dimanche, on était à R sur la liste, donc ouais, voilà. Samedi, ouais. Ouais, putain, on s'y perd, on voit trop de concerts. Ouais. Spontarstad, c'était samedi au CCL, et elle a pu nous dire que Nathalie Lemel faisait partie des nombreuses personnes de sexe féminin qui ont pris part à la Commune de Paris, et qui d'ailleurs ont été fort punies ensuite par les Versaillais et toutes les sortes de type réactionnaires qui ont repris le pouvoir. Elle fait partie des gens qui ont été repérés et dont on connaît encore le nom, mais qui ont été beaucoup moins mis en avant que, par exemple, Louise Michel. Ouais, ouais. Bref, c'est pas pour dire que Louise Michel, c'est pas bien. Hein. Non, mais surtout qu'elle a écrit des livres, Louise Michel, voilà. Là où voilà, Lemel n'en a pas. Et donc, Louise Michel, quoi. Plus Nathalie Lemel, plus toutes les autres, et puis tous les autres aussi, quand même, ils ont quand même fait une des premières révolutions prolétariennes de trucs. de l'histoire. Oui, tout simplement. Ouais. Une des premières, non, de l'histoire récente. Allez, je m'en tire à bon compte. Voici donc un deuxième titre de Spontarstad pour dire désolé. Et voilà, là, alors là, j'ai mis le nom du. Le titre du. le titre de la chanson dans Google Translate, et puis ça m'a donné. Ça veut dire la météo à Namzer. Je ne sais pas si ça parle du temps qu'il fait. Peut-être que c'est des trucs un petit peu plus rentre dedans. Je pense que oui. Vous allez voir sur le Bandcamp de Spontarstad, S-P-O-N-T, espace A-R, espace S-T-A-D, et vous cherchez le titre Anne Amzer, A-N-A-M-Z-E-R. Les voici, Spontarstad. Et puis, merci à vous d'avoir fait un super concert ce samedi dernier. Carrément. Voilà, vous êtes bien sûr Campus, en 6,6, et Pyongyang, City Rockers, youpi, pour encore normalement 12 minutes. Boom, 20h50 minutes à l'antenne de Campus en 6,6 Carringtons. Je pense que ça sera la semaine prochaine. Quand on aura là, un répéteur Wi-Fi ou je ne sais quoi. Exactement, c'est tout. Tu lis dans mes pensées. C'est comme ça qu'ils disent. Bon, wesh. Tout à l'heure, moi, j'ai mentionné les groupes actuels des membres de Warning Warning et j'en ai oublié un. Il s'agit de Délétère, je ne sais jamais comment se prononce. Ouais, t'as vu. J'ai même le t-shirt, c'est mon équipe de foot préférée. Bref, dont deux membres faisaient partie d'un projet de noise punk qui s'appelait Lerio, State Poison. Actifs, eux, un peu plus tôt que Warning Warning, à savoir 2006, pour leur première apparition sur une compile. On entra une gimmick un peu fun, c'est d'avoir des textes chantés en français par quelqu'un qui maîtrise pas de fou le français. Je crois qu'il est américain, le chanteur. Brett. Bref. Leur première démo de 2007, ça a pas le son de Warning Warning, c'est quand même beaucoup moins noisy. mélodie, mais il y a du 10 bits pour le coup, et qui va très vite, plus une reprise de The Swankies en piste cachée, donc l'influence est quand même présente. Même si finalement, je trouve que ça sonne plus comme du hardcore 10 bits relativement raw, que comme quelque chose de purement Kyushu-esque. Voilà, ça, je vous passe, c'est beau, hein, c'est précis. Je connais des gens qui écoutent, là, il y a un copain là, qui me dit toujours, mais c'est quoi les noms de style que vous sortez, c'est n'importe quoi. Et là, il doit être content d'entendre. Ah bah là, là, c'est la soupe de crevettes. Du coup, je vous passe le tube War Is Product, tiré de l'EP de 2009, qui s'appelle, comme le groupe, Stay Poison. Passé à longtemps de cette Poison, probable. Mais j'avais oublié. On oublie tout, on oublie même de se connecter aux internets pour répondre aux Carringtons. Bon, allez, je pense qu'on s'est mis d'accord, on essaiera de les revoir la semaine prochaine. Carrément. Ils seront en plein milieu de leur tournée en France. Et en Belgique. Les avoir au téléphone. Ouais, je sais pas, hein, peut-être dans une cabine téléphonique à l'ancienne. Carrément, on leur paiera une carte. Ouais. En tout cas, retenez qu'il y a toute une série de concerts qui se profilent à tout au Canadian Café le 10, c'est quand le 10 bah, c'est après-demain. Vendredi, ouais, c'est ça, avec Post Office. Le 11, samedi, à Nevers, avec au Conti, je connais. T'es connu Absolument pas. Es-tu déjà allé à Nevers? Never. Non, bah voilà. Avec Shutdown, ils seront à Montreuil, à l'Harmonie avec les Shots. Ils seront le 13, c'est lundi prochain, c'est ça? Exactement. À Namur, au Belvédère, avec Armless Skaters. Au Havre, au McDade's, avec MST. J'espère que c'est pas le vieux groupe des années 80, MST. ils seront le 17 à Amiens, au Charleston, avec Kim Mature. Et ils concluront cette tournée franco-belge, on va dire. À Marly les Valenciennes, donc à côté de Valenciennes, chez Oscar, pour le Crumpfest où il y aura plein d'autres groupes. Il y aura même, paraît-il, Garien Poubelle. Mais faut pas le dire. Tu connais Garien Poubelle? Ah ouais, vraiment? Ouais, ouais. Et donc voilà. Et puis, bah, ouais, on fera en même temps, on arrive à communiquer par texto, mais moi j'aimerais bien avoir les voix, et là c'est beaucoup plus compliqué. Et on fera un test avant, au pire. On est d'accord, Joey. C'est la semaine prochaine qu'on se retrouve avec les Carringtons, non sans avoir passé un deuxième titre issu de d'un de leurs EP sortis en 2025, qui paraît-il est un petit peu champ gauche. C'est comme ça qu'on appelle les choses qui sont un peu bizarres, left field. Voilà. Mais c'est comme ça. Si tu veux, au Québec, ils ont vraiment une approche de la langue française. Un peu, si tu peux dire un truc en français à la place du mot en anglais, tu le dis en français. Je suis bien d'accord. Donc voici un titre chant gauche de Carringtons, Exile. Là, par contre, c'est en anglais, ça ne va pas du tout. Carringtons, tout de suite, et on les retrouve normalement la semaine prochaine avec notre petit téléphoneur. Voilà, Carringtons, Exile. Mec, il a plus rien à passer alors qu'il est 20h59 minutes. Théoriquement, on devrait arrêter dans une minute. Attendez, on a encore des. Moi, j'ai encore des titres à passer, donc je vais pas me casser l'année nette. Et donc, justement, ce qui démarrait, c'était Gutter. Gutter, ça fait très longtemps que j'ai pas passé de titre de Gutter. Alors, quand même, c'est un des groupes phares de la scène lilloise. S'il vous plaît. Ils passent tout le temps au CCL. Ouais, au CCL. On va encore pouvoir les voir au CCL. Quand déjà? Bah, ce samedi 11 avril, ce samedi, voilà. En même temps que la soirée de soutien aux communautés en Palestine. À Massafer Yatta. C'est ça. Et puis sinon, attends, j'avais noté quand est-ce qu'ils passent. Donc ils seront à Clark jeudi et puis demain. Et ils seront à Amiens vendredi à l'accueil froid, super salle. Ouais. Attention, c'est un club privé, donc pour entrer, non seulement il faut payer un petit quelque chose pour le concert, mais il faut aussi prendre une carte, une carte de membre à l'année, genre 2 euros. Quoi, ah ok, vois. C'est pas un bail. Et ça vous... Hein. Et c'est pas un euro chez eux, ok. Ouais, un ou deux, attends, vas-y. Non, mais du coup, franchement, ça grève le budget. Hein. Ah, carrément. Sérieusement. Bon, c'est pour les gens qui sont pas trop loin d'Amiens, mais franchement, s'il y a un endroit à Amiens où aller, c'est à l'accueil froid, Niouk, qui se trouve 13 rue Sully, S-U-2-L-Y, c'est dans une espèce de zone artisanale, commerciale, machin chose, un peu à l'écart comme ça. Vous pouvez me croire, d'expérience, suffit de longer le canal d'Amiens et vous trouverez. D'accord. À toi, t'es allé à pied. Ouais, moi je me suis fait refuser un blablacar, enfin, c'était une sacrée histoire. Bref. D'accord, bah tu nous sortiras ton anecdote ouais. Le prochain coup. Tiens. Ouais, bon, ouais, et puis donc, voici donc nos potes de Gutter avec Stranded sur leur album sorti en 24 25 je sais plus. Ouais, 25. Bref, Gutter, Stranded. Yeah. Bon allez, c'est la fin de cette émission rocambolesque où rien ne fonctionne sauf le fait de passer des MP3 dans le VLC. Carrément. Des WAV. Ouais, il y a des WAV aussi. Cette jolie chose que vous entendez en fond sonore, c'est Paul Vaux, un vieux groupe de la côte est des États-Unis. J'ai tout bien, cette affaire. Le titre là c'est Oxcapula et normalement il devrait y en avoir un deuxième, Sense of It, juste après. Et là on dit au revoir la semaine prochaine pour la 430e, en essayant de faire en sorte d'avoir du réseau pour que les copains de Carrington, je sais qu'ils écoutent chez Jean. Et que, bah, désolé hein, les gars, normalement la semaine prochaine, on essaiera de vous trouver une carte téléphonique et une cabine téléphonique qui fonctionne dans ce vieux pays perclus de rhumatisme. Et donc avec Carrington, normalement ça devrait le faire la semaine prochaine. En tout cas, Pyongyang, c'est fini pour maintenant. Ne quittez pas l'écoute dans quelques instants. Encore un petit peu de musique en conserve. À partir de 22h, on retrouve Nico avec B-Boy Bouillabaisse. Ensuite, plein d'autres émissions. C'est Campus, Pouet Pouet, Pointouin, Tagada. Et puis la semaine prochaine, Pyongyang. Et en attendant, on n'oublie pas. Akab. Akab. Sense of it as you feel is fortified.